Mademoiselle. Souhaiteriez-vous que je m'empare un court instant de l'immense étendue de votre chevelure par le geste sémillant d'un effilochage aimable et onctueux? Auriez-vous l'obligeance de me concéder quelques parcelles de votre précieux visage pour vous couvrir de mille suaves étreintes délicieusement parfumées? Consentiriez-vous que je me hasarde tout en douceur à asseoir mon organe gustatif à l'intérieur de votre complaisante cavité buccale dans le dessein d'accroître votre tension émotionnelle? Accepteriez-vous le parcours audacieux parmi les maintes ondulations que sensibilise l'effleurement de votre poitrine d'une traversée odysséenne de tout un magistral doigté? Permettriez-vous la délicatesse d'une pression digitale autour de votre taille dans l'intention de maintenir votre buste en étroite relation avec mon torse en émoi? Oseriez-vous introduire en éveil la turgescence de mon appendice mâle afin d'opérer une connexion subtile en adéquation d'un laissez-passer unanime avec votre conduit intime génital? Souffririez-vous l'élocution de plaintes suggestives mettant en exergue l'attestation d'un consentement affectueux mutuel agrémenté d'une entente cordiale et frénétique? Recueilleriez-vous en votre fort intérieur la représentation de cette communion de corps et de sentiments en recevant le fruit de mes entrailles? Recevez, mademoiselle, l'expression de mes respectueux hommages.